Le problème avec le visage aujourd'hui, ce n'est pas tant qu'il soit au fondement de la morale, comme l'expliquait Lévinas lundi, ni qu'il soit une manière d'exprimer dans la chair notre rapport au temps, comme le laissent entendre les autoportraits de Rembrandt dont on parlait hier. Non, le problème avec le visage, c'est qu'en ce moment, on ne le voit plus. Et pour cause, il est derrière un masque. Anthony, alors que le risque d'une pandémie se précise, les ventes de masques de protection explosent en Chine, mais aussi en France, hein, avec des modèles de plus en plus sophistiqués et technologiques. Et il y a une autre option, faire imprimer un masque de protection qui prend l'apparence de votre visage. Oui, alors ça c'est très étonnant, c'est une start-up qui a lancé ce concept. C'est en gros, vous leur envoyez un selfie vous allez avoir un masque qui imprime la forme de votre visage. Alors, on dirait un immeuble en ravalement de façade. C'est un peu ça, effectivement. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Pour qu'on puisse vous reconnaître dans la rue, c'est vrai que c'est plus convivial, mais surtout parce qu'il y a un problème avec les masques de protection, c'est qu'on peut plus déverrouiller le smartphone avec la reconnaissance faciale. Ah oui. Bonjour Marion Zilio. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes venue sans masque? Tout à fait, tout sans masque. Et pourtant, dans la revue AOC, fondée par les confrères hein, Sylvain Bourmeau et Raphaël Bourgois, paru le 14 février dernier, vous écriviez, à propos du masque sanitaire, qu'il reflète quelque chose de l'imaginaire, de la sensibilité, voire de l'esthétique de notre époque. Ces masques donnent accès à un espace intermédiaire. Entre la vie et la mort, il pointe peut-être à l'ère de l'anthropocène et des discours collapsologiques une sorte de sublime qui aurait glissé d'une poétique des ruines et de la fin du monde vers celle de la fin d'un monde humain et de ses représentations. Le masque signerait la fin d'un monde humain et de ses représentations? Ouf, vaste question. En fait, le masque, dans la façon dont je l'ai traité dans cet article, je suis revenue sur finalement l'étymologie et les origines grecques, donc occidentales finalement aussi de la philosophie occidentale, où le prosopon était l'équivalent du visage, du masque et de la façade d'un bâtiment. Qu'est-ce que c'est le prosopon? Alors le prosopon, c'est exactement le visage, le masque et la façade d'un bâtiment. C'est la traduction grecque, en fait, de ces trois mots. Donc là, on voit qu'il y a déjà un partage, une même étymologie, où pour les Grecs, en fait, à l'origine, le masque n'est pas masquant, il ne cache pas, mais au contraire, il révèle. Et donc, il y a tout un processus qui va se mettre en place à partir de cette époque, mais en fait, il y a plein de petites choses qui se précisent et qui se glissent là-dedans. On va parler des avatars du prosopone qui vont peu à peu élever la figure de l'homme, élever donc cette figure de l'homme où moi je me permets donc dans ce cadre des discours collapsologiques et anthropocènes de dire que peut-être que la fin du monde, ce n'est pas finalement la fin du monde, mais la fin d'un monde humain, la fin d'un monde où l'humain serait celui qui se situe à la fin d'une chaîne, celui qui serait comme maître et possesseur de la nature. Et cette fameuse formule qui tient de Descartes, eh bien c'est le même qui a posé le cogito. Et c'est cette incarnation d'un moi, d'un jeu, d'une identité qui peut-être aujourd'hui doit être déconstruite parce qu'elles sont peut-être à l'origine des problèmes d'aujourd'hui en fait. Toute la question est de savoir jusqu'où on peut distinguer le visage du masque justement. C'est la question qui ouvre cette émission en lien avec l'actualité. C'est la question que vous posez dans votre livre, Marion Zilio, Face World, le visage au XXIe siècle, paru au PUF, dans la collection dirigée par Laurent Sutter. Vous y retracez l'histoire du visage, mais aussi l'histoire du masque, et essayez de déconstruire aussi les idées reçues que l'on se fait, notamment sur le selfie, dont peu de gens aujourd'hui vont faire l'éloge, alors qu'en fait, il n'est pas aussi dramatique que ce qu'on veut bien croire. Vous vous présentez, si j'en crois à la quatrième couverture, comme théoricienne, critique d'art et commissaire d'exposition. Ça veut dire quoi, théoricienne? Parce que, en gros, j'ai fait une thèse en esthétique, sciences et technologies des arts, et on peut pas dire esthéticienne, ça fait pas très classe. Et je ne suis pas non plus historienne de l'art, et philosophe, c'est une étiquette que je me permettrai pas de poser encore, en tout cas. Mais peut-être parce que je suis en bataille contre les philosophes. Ah oui? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont construit des idéologies qui doivent évoluer, mais le problème, c'est qu'on voit bien encore, quand on parle du visage, par exemple, qu'il y a tout un tas de métaphysiques qui se sont enroulées à côté, autour de cette figure humaine, et peut-être, on pourrait dire avec d'autres, que la philosophie est finalement cette science des sociétés civilisées, et à défaut, on aurait mis en place l'ethnologie ou l'anthropologie pour parler du sauvage, des racisés, ou de d'autres êtres, comme les animaux, enfin. Peut-être. Quel a été le point de départ de ce livre pour votre réflexion sur le visage ? Du livre, en fait, moi, l'idée, c'était d'essayer de comprendre, encore une fois, l'esthétique dans la, enfin, l'esthétique, le sensible, en fait, à Esthetica, c'est le sensible, c'est-à-dire les imaginaires et, voilà, ce qui fait la sensibilité d'une époque. Et finalement, le visage, c'est un objet de pensée, c'est ce qui permet de pénétrer les imaginaires, c'est ce qui permet de voir comment une société se pense et se réfléchit au double sens du terme, c'est-à-dire, effectivement, ce mouvement de de réflexion de soi-même et le reflet de soi, la façon dont les artistes ou d'autres instances ont récupéré la représentation du visage va être une manière de comprendre aussi quels sont les enjeux, les problématiques d'une époque. Esthétique, certes, mais aussi technique. Il me semble qu'une des thèses développées par votre ouvrage est celle qui consiste à poser l'impossibilité de réfléchir sur le visage sans réfléchir sur les techniques annexes, que ce soit le masque ou autre. En fait, c'est... Quand on pense au visage, notamment par exemple si on revient sur ce qui s'est joué ces derniers jours par rapport avec Lévinas, les métaphysiques dont on parlait du sujet, on le pense comme une présence nue, comme la vie nue, quelque chose qui se donne et qui déborde le phénomène, alors qu'en fait, quand on réfléchit deux secondes à ce que représente un visage, on se rend compte déjà qu'on n'y a pas accès, on n'a pas accès à son propre visage sans l'intermédiaire d'un objet séparé de soi. Alors cet objet, c'est évidemment le miroir, les vitrines, la photographie, etc. Et on se rend compte que, il va y avoir une espèce d'imaginaire, de croyances qui vont se raccrocher à ce support, en fait, qui nous permet d'externaliser notre face sur un support de mémoire, mais pas que. Et donc, moi, je voulais essayer de comprendre le visage dans le cadre de cette médiologie, dans le cadre de cet environnement technique. Et la thèse que je fais, le postulat que je pose dans le livre, c'est de dire que le visage est une invention récente dans l'histoire de l'humanité. Alors là, vous me regardez avec des gros yeux. En fait, ce visage auquel je pense, c'est le visage des foules. C'est ce visage qui apparaît finalement au moment où, au 19e siècle, se met en place une société hautement appareillée. C'est le début de la commercialisation massive des miroirs. Il faut vraiment comprendre que les gens n'ont pas accès à ces objets-là. C'est réservé aussi à une certaine élite. On le sait, les portraits sont réservés à une élite. Et donc, le peuple, le paysan de base, finalement, n'a accès à son visage que très rarement. Lorsqu'il se rend chez le barbier, par exemple. Et voilà, du jour au lendemain, les villes changent, il y a un exode rural et le visage des foules apparaît grâce notamment à la photographie, puis au cinéma. Et donc, qu'est-ce que cela va changer dans la perception que l'on a de soi, dans la perception que l'on a des autres, mais aussi du monde? Et moi, l'hypothèse que je fais à ce moment-là, c'est que l'on passe d'un visage à des visages. On passe d'un visage qui serait auréolé d'une épiphanie, si vous voulez, à un visage qui rentre d'emblée dans une sorte d'économie de flux, où grâce à la photographie, on peut le reproduire, le dupliquer, le manipuler, l'échanger, etc., etc. Et donc c'est cette économie-là qui m'intéresse et que j'essaie de sonder dans le livre. On reviendra à la photographie dans un instant parce que les développements que vous proposez à ce sujet sont absolument passionnants. Si on remonte dans le temps, dans l'histoire, y compris dans l'histoire de l'art, on découvre qu'en fait, et ça c'est Georges Bataille qui le fait remarquer, que lorsqu'on découvre les grottes de Lascaux, on se rend compte qu'il n'y a aucun visage. Il n'y a pratiquement aucun visage, oui, tout à fait. La question qui se pose, c'est à partir de quand et pourquoi les individus représentent leur visage, mais de façon singularisée, c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas finalement une divinité ou des traits stéréotypés ou archétypaux. L'histoire de l'art dit que on aurait inventé un visage singulier, en fait, sous l'époque du Haut Empire égyptien, avec ces fameux portraits du Fayoum qu'on a retrouvés en 1800, qui étaient des portraits individualisés, donc réservés à une certaine classe évidemment, mais qui servaient d'effigie en fait, et qui étaient donc enterrés avec la momie. Et donc le visage a d'abord une fonction funéraire, mm-hmm. et ce n'est pas la conscience de soi qui motive l'invention du visage, mais d'abord un rapport avec l'au-delà, le sacré, etc. Puis, de ce rapport à la mort, on va venir faire des portraits d'empreintes, en fait. On va faire des masques mortuaires. Et petit à petit, avec le droit romain, s'inscrit finalement une problématique du visage où ça va devenir un objet du citoyen. Et ce serait davantage le citoyen qui aurait motivé la représentation du visage qu'une conscience de soi. Mais quel lien entre le masque et le citoyen ? Alors en fait, il faudrait revenir sur... Allez-y, c'est vrai que je suis allée un petit peu vite. Quand je vous parlais de ces effigies, de ces masques mortuaires, par exemple, il y avait à l'époque romaine ce qu'on appelle des processions funéraires pour les bons morts, les mauvais morts. Et en fait, les patriciens, donc encore une fois une certaine classe de la société là-bas, avaient... il y avait tout un tas de rituels. Donc j'ai parlé de ces fameuses processions funéraires où, avec ces masques, en fait, on venait rejouer tout le cérémoniel qui conduit vers la mort, et on conservait, pour la première fois, on s'est mis à conserver ces masques dans des étagères, dans les maisons, en fait. Il y a eu un glissement qui s'est opéré de la gloire de nos ancêtres à la gloire de la personne. Et comment finalement de l'effigie, on en est venu à élever la figure de l'humain. Ce sont juste ces familles patriciennes qui s'inscrivent finalement dans le droit romain, à l'image, qui a fait que petit à petit, on en est venu à faire ces fameux masques qui sont devenus des espèces de portraits par abus de langage. Mais encore une fois, lorsqu'on connaît un petit peu le droit romain, on sait que ce n'est pas donné aux femmes ni aux esclaves. Ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le masque dans l'Antiquité, c'était pas un moyen de cacher la personne, encore moins de se protéger comme aujourd'hui au moment de l'épidémie, mais en fait d'avoir ce que vous appelez une forme d'identité portative. En fait, c'est ça qui est important. C'est pas le masque ne cache pas, peut-être même révèle-t-il, en tout cas il est une identité en lui-même. Oui, si on revient encore une fois sur les glissements sémantiques qui s'opèrent entre le prosopon, qui est donc la traduction grecque, qui signifie le masque, le visage et la façade d'un bâtiment, on est sur vraiment un rapport de surface. Eh bien, en fait, on se rend compte que le prosopon va être traduit par la persona latine, qui est l'ancêtre direct de notre personne. Et en fait, tous ces glissements sémantiques vont petit à petit mettre en place des catégories de jeux, de personnes, de sujets. Et on voit finalement comment, avec l'apport des religions monothéistes, le christianisme en l'occurrence, eh bien, tout cela va façonner une identité que l'on va considérer comme une, figée, et même de plus en plus tournée vers l'intérieur. Alors que si on regarde de près, les Grecs, eux, avaient une conception d'eux-mêmes qui était d'emblée poussée vers l'extériorité. Il n'y avait pas, si vous voulez, de cogito, de repli sur soi, ça n'avait aucun sens à ce moment-là. Et ce qui marche pour les Grecs marche également pour des métaphysiques africaines, pour des conceptions amérindiennes. C'est-à-dire qu'on avait une vision de l'identité qui était d'emblée fluide, qui était d'emblée fragmentée, où effectivement on endossait des masques, non pas que pour opérer la liaison entre le vivant et le mort, mais aussi pour emprunter des identités. Le perspectivitif amérindien, c'est ça aussi, c'est qu'on endosse un jeu qui nous fait avoir un point de vue sur le monde, mais que celui-ci peut être fluide. On a l'équivalent aujourd'hui, non, avec les avatars, justement, dans l'univers numérique. Tout à fait. Est-ce que les avatars sont-ils des masques et ce qui est particulier, c'est que, en fait, bien que on commence l'humanité, pour le dire avec des mots un peu grossiers comme ça, ait eu d'emblée une vision, on va dire, fragmentée de soi, il y a eu tout au long des siècles la volonté, comme je le disais, de resserrer tout ça. Par exemple, le christianisme, pour pouvoir s'imposer comme religion d'État, a dû révoquer tous les polythéismes. C'est-à-dire qu'il a dû bien signifier que c'était un Dieu, quelque chose d'unifié, qui devait faire l'objet de ce qui nous constituait comme identité. Lorsque l'on parle des avatars, il y a eu tout un tas de discours qui sont sortis en disant « oui, mais on fragmente le moi, si on fragmente le moi, on le divise et on le perd ». Mais finalement, c'est peut-être aussi l'occasion de revenir sur des formes qui sont peut-être plus adaptées aussi, plus en résonance avec les problématiques d'aujourd'hui, de la pensée contemporaine, où l'idée, c'est non plus de pousser l'individu, l'individualité, mais de se connecter au monde, aux autres, et d'adopter donc ses flux, d'adopter son mouvement. En matière de peinture et de statuaire, le credo actuel des gens du monde, surtout en France, est celui-ci. Je crois que l'art est et ne peut être que la reproduction exacte de la nature. Ainsi, l'industrie, qui nous donnerait un résultat identique à la nature, serait l'art absolu. Un dieu vengeur a exaucé les vœux de cette multitude. Daguerre fut son messie. Et alors, elle se dit, puisque la photographie nous donne toutes les garanties désirables d'exactitude, ils croient cela, les insensés, l'art, c'est la photographie. À partir de ce moment, la société immonde se rua, comme un seul narcisse, pour contempler sa triviale image sur le métal. Une folie, un fanatisme extraordinaire, s'empara de tous ces nouveaux adorateurs du soleil. D'étranges abominations se produisirent. En associant et en groupant des drôles et des drôlesses, attifés comme les bouchers et les blanchisseuses dans le carnaval, en priant ces héros de vouloir bien continuer pour le temps nécessaire à l'opération leur grimace de circonstance, on se flatta de rendre les scènes tragiques ou gracieuses de l'histoire ancienne. Peu de temps après, des milliers d'yeux avides se penchaient sur les trous du stéréoscope comme sur les lucarnes de l'infini. L'amour de l'obscénité, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même, ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Ce que c'est beau, la photographie, les souvenirs sur papier glacé. Pas de raison pour qu'on les oublie, les beaux yeux, les beaux jours passés. Ce que c'est beau, la photographie, le soleil qu'on fait prisonnier. Pas de raison pour qu'on les oublie, les petites femmes en tricoté. Attention, 1, 2, 3, j'appuie. On sourit pour l'éternité. France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Et on parle du visage cette semaine après Lévinas, lundi, Rembrandt, hier, aujourd'hui. C'est Marion Zilio, notre invitée, qui est l'auteur de Face World, publié aux Presses universitaires de France. On vient d'entendre un texte de Baudelaire, peut-être aurez-vous reconnu son ironie poétique et mordante, suivie d'une chanson des frères Jacques sur la photographie. Vous aurez reconnu les choix de Nicolas Berger, on le remercie. L'amour de l'obscénité, écrit Baudelaire, qui est aussi vivace dans le cœur naturel de l'homme que l'amour de soi-même ne laissa pas échapper une si belle occasion de se satisfaire. Ce qui est formidable, Marion Zilio, c'est de voir que finalement toutes les critiques qui sont émises au sujet du selfie par exemple, oui, bah Baudelaire les reprend quasiment à son compte en 1859 au sujet de la photographie. Oui, tout à fait. Mais ce que dit Baudelaire en fait dans le fond de son texte, c'est pas tant une critique de Narcisse en tant qu'elle, mais plutôt de la classe bourgeoise, et par-dessus tout, ou plutôt par-dessous tout, finalement c'est l'invasion de la photographie et de l'industrie sur les formes de l'art et des imaginaires. Et c'est ça qui l'inquiète. Et c'est là où, moi, ce que je perçois aussi, c'est cette question en fait qu'on pourrait appeler d'un inconscient technique qui va venir se greffer sur le support, encore une fois, de l'image qui nous renvoie notre reflet. En fait, on peut considérer qu'au 19e siècle, à partir du moment où les photographies, le cinéma qui se met en place, on est sur ce qu'on peut appeler avec Bernard Stiegler le tournant machinique de la sensibilité. Il faut considérer que le 19e siècle, c'est une période de grandes mutations, de grands bouleversements technologiques. Il y a l'invention de l'électricité, de l'automobile, de la ascenseur, du chemin de fer, etc. Mais aussi de donc la photographie, le cinéma, mais le téléphone, etc. Donc on est à la confluence de deux grands changements paradigmatiques. Un exode rural qui a d'un coup des millions de personnes dans les métropoles, Paris, Londres, etc. Et donc on est sur un système où on repense les transports, les communications, et il y a un monde de doublure qui se met en place avec la possibilité de reproduire le son et les images de l'homme. Et ça va changer fondamentalement la façon, encore une fois, dont on se perçoit. Et donc plus que l'individualisme naissant, c'est peut-être cette dimension technique, cette dimension pas totalement, si vous voulez, pour lui, la photographie déjà n'est pas un art en soi. C'est diabolique de pouvoir penser que l'on puisse reproduire des images avec un appareil automatique. Et donc il y a un peu cette croyance que la photographie est immédiate et la traduction immédiate, encore une fois, du réel, la preuve directe, etc. Puis on se rendra bien compte finalement qu'il y a tout un tas d'imaginaires et de fantasmes qui vont s'y glisser. Mais voilà, c'est ça en fait. C'est ce que dira Benjamin beaucoup plus tard, justement. Oui, mais Benjamin, il aura une vision, à mon avis, un peu plus... à laquelle moi je pense davantage, c'est-à-dire que lui, il va vraiment essayer de comprendre quelles sont les mutations, on va dire, de l'appareil perceptif grâce justement à ces appareils. L'appareil, c'est ce qui fait apparaître aussi. Et donc, l'humain apparaît différemment. Et donc, c'est ça qu'il essaie d'interroger. C'est non pas un déterminisme technique, mais comment ces techniques modifient la façon dont on perçoit les choses, parce que, par exemple, on a la possibilité de ralentir, d'accélérer, de faire des montages, de détendre, en fait, de faire apparaître ce que l'on ne voit pas à l'œil nu. Par exemple, quand on invente la photographie, puis la chronophotographie, qui est cet instant entre la photographie et le cinéma, on a la possibilité pour la première fois de voir le dépliement d'un vol d'oiseau. Et donc on voit ce qu'on n'avait jamais vu. Et ça éveille l'imaginaire, ça éveille les fantasmes et on se met ça agace le poète sur qui voudrait être le seul peut-être à détenir Baudelaire une forme de vérité. Baudelaire était agacé de tout. Hein. Agacé, en tant que critique, je peux me permettre de le dire. Ça c'est vrai, c'est ce qui fait son charme, c'est parfois sa mauvaise foi. En tout cas, ce qu'il y a de très important ici, c'est de voir comment la photographie, donc l'invention technique qu'est la photographie, va changer non seulement la perception que chacun se fait de soi, mais aussi va changer un certain rapport au monde. À partir de quand, est-ce qu'on peut le dater d'ailleurs, les premiers portraits et autoportraits photographiques circulent-ils ? Les portraits, en fait, dès lors qu'on invente la photographie, enfin c'est d'abord le daguerréotype, etc., ça va être vanté auprès de l'Académie des sciences et des beaux-arts par Arago, qui est un politicien aussi, et qui va vanter les mérites de cette technique. Donc on voit d'emblée qu'on est sur deux disciplines, les arts, les sciences, etc. Et donc dès 1840 et jusqu'au 1890, il va y avoir tout un phénomène de portraitomanie, c'est-à-dire que du jour au lendemain, tout le monde va devoir être photographié parce que, comme je le disais, il y a un exode rural, c'est l'apparition du visage des foules, donc il y a la nécessité d'aller identifier cette foule amorphe finalement. Et donc la photographie va venir suppléer aussi les passeports et donc tout le monde va devoir se faire photographier. Donc c'est une démocratisation. Alors après, l'autoportrait, lui, puisque de toute façon le processus photographique est assez... il tombe dans le domaine public très rapidement. Donc c'est une invention française on en fait don au monde. Donc très vite, on va venir alléger son poids, réduire le temps de pose, etc. Donc les premiers autoportraits, ça va être finalement des... Baudelaire, il parle d'artistes ratés, en fait. Tous les artistes un peu mauvais sont devenus photographes. Et donc ça va être peut-être ces personnes-là qui vont être les premiers à faire des autoportraits. Mais l'autoportrait tel qu'on le pense, je pense qu'il faut vraiment voir dans quelle mesure l'appareil peut aussi conditionner ça. Si on a un appareil énorme qui pèse une tonne, etc., avec un temps de pan assez lourd, on a ce fameux premier autoportrait d'Hippolyte Gaillard, de l'autoportrait en noyer, mais ça reste assez isolé. Et donc, il va y avoir un mouvement, un certain boom, on va dire, à partir du XXe siècle, où là, ça explose. Et le selfie, c'est un peu l'équivalent de ce moment-là, sauf que là, pour la première fois, c'est la masse qui a la possibilité de s'auto-portraiturer, c'est-à-dire juste avec son petit iPhone, de diffuser son image. Et ce n'est plus un visage singulier, individuel, mais il faut aussi le penser dans la collectivité. Qu'est-ce que ça fait que tous ces visages... c'est là où on voit finalement que le soubassement technique de la représentation de soi est important parce que, en fonction de la technique, les conceptions qu'on aura de soi-même vont évoluer. Moi, je parle carrément de technogénèse, donc une genèse de la technique, c'est-à-dire une évolution de la technique qui va induire une ontogénèse, c'est-à-dire finalement une façon dont on va se percevoir qui coévolue finalement avec la technique. On est sur un rapport de co-individuation, dirait Simon. Et donc, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui de s'auto-photographier avec un iPhone, de le poser sur une interface comme Instagram ou Facebook, qui sont, entre autres, des entreprises pour lesquelles on donne gratuitement du contenu, pour se construire soi-même sa propre image. Et c'est là où on doit jongler avec le buzz, les likes, etc., pour construire sa propre subjectivité. Et donc, on est sur un port qu'on pourrait qualifier de pharmacologique, c'est-à-dire c'est à la fois poison et remède. La technique, en fait, ça peut être tout autant ce qui nous aliène que ce qui, au contraire, nous émancipe et nous permet de devenir ce que l'on est. L'autoportrait photographique était-il l'ancêtre du selfie numérique? Est-ce que le soi-même fi est l'ancêtre du selfie? La réponse de Sherlock Holmes et de la reine Victoria. Inter. Oh, Majesty. Majesté, entrez, je vous prie. Je dois m'entretenir avec Monsieur Holmes en privé. Pardon, Votre Majesté. Vous permettez que l'on prenne une photo de nous tous ensemble? Oui, mais qui va prendre la photographie? C'est moi-même. J'ai un appareil avec lequel on peut se prendre soi-même en photographie. Un soi-même fi. Je peux prendre la photo et être sur la photo. Il s'avère que je sais comment poser pour que la photographie soit la plus réussie. Il faut faire la moue comme ça, vous voyez, je suis lèvres pincées comme un coup de poule. Watson, on devrait peut-être aller près de la fenêtre. La lumière y sera certainement. Oui, élémentaire. Votre Majesté. Oh, mon Dieu. Elle est morte. Dieu du ciel. Nous avons tué la reine. Est-ce que ça va, Votre Majesté? On est mal. Vous savez ce que nous devons faire, Watson? Massiaos. Votre Siaos. Ouvrez cette porte ou nous la défonçons. Des morceaux de la taille d'une crotte. Nom de Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Lèvres pincées en forme de cul de poule. Dites, vous serait-il possible de m'envoyer une copie du soi-même fi? Absolument, c'est promis. Elle arrivera au palais dans environ une semaine. C'est une bonne idée, le soi-même fi, Marion Zilionan. Bien trouvé. On peut se demander si le selfie, alors qu'il n'est évidemment pas létal, mais est-ce qu'on peut dire qu'il encourage une forme de servitude volontaire? C'est une expression qu'on retrouve souvent à cet égard. On pourrait parler de servitude volontaire à partir du moment où on considère encore une fois que posant ces autoportraits, donc ces selfies sur des interfaces, encore une fois, je le répète, Facebook ou Instagram, qui sont des fameuses GAFAM, en fait, les plus grandes entreprises, les gens du web, eh bien, on produirait l'or noir d'aujourd'hui, finalement. Donc, on rentrerait dans un rapport de servitude volontaire ou de travail soi-disant immatériel, où effectivement, eh bien, on n'est pas rémunéré pour ce que l'on fait. Mais pas simplement d'un point de vue économique, on pourrait se dire qu'il y a une forme d'injonction à se montrer soi-même. Oui, alors là, à l'égard de la loi de la collectivité qui fait qu'on doit se montrer. Oui, et bien là, c'est là où en fait, il faut qu'on arrive à jongler entre effectivement cette injonction à se montrer, et parce que se montrant finalement, on devient aussi un être sur lequel on peut avoir une emprise politique finalement, mais il y a aussi l'autre discours qui dit que finalement les démocraties se sont aussi positionnées grâce à la possibilité pour les uns et les autres de se faire voir, d'avoir cette représentation. Quand par exemple il y a eu l'Agora avec Périclès, les gens rentraient dans cette espèce de dispositif appareillé et finalement esthétique. Quand on rentre avec les démocraties modernes au 19e siècle, c'est parce que d'un coup cette foule apparaît, se représente avec ses visages. Et aujourd'hui, peut-être que Facebook, Instagram seraient des nouvelles formes d'Agora, une nouvelle forme de politique où on aurait tous ces visages qui ne sont plus une masse, mais peut-être une multitude, c'est-à-dire des singularités coactives et dont il faudrait peut-être essayer de penser quel type de politique on peut faire avec ça, en fait. Par exemple, vous avez des... Eh bien là, je ne sais pas et ça m'interroge beaucoup parce que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des voix qui s'élèvent de toutes parts. On peut considérer que les réseaux sont aussi ce point de départ qui permet à chacun de s'exprimer. En fait, on n'est plus sur le monopole comme ça l'a été pendant des milliers d'années d'une certaine catégorie de personnes et d'une certaine classe aussi dans le monde. Là, on a les hommes, les femmes, les blancs, les noirs, les jeunes, les moins jeunes, etc. On a une diversité de voix qui apparaissent. Alors, comment faire politique avec tout ça? Je pense que c'est un peu jeune, mais personnellement, moi, ce sont des questions qui m'intéressent. Et certainement aussi qu'il faudra les penser dans un rapport économique et voir... Y a-t-il pas aussi, comme effet de ce que vous décrivez, et qu'on peut lire peut-être de manière implicite dans votre livre, une volonté de voir dans cette multiplication des portraits, des autoportraits, des selfies ou même des visages que l'on brandit beaucoup aujourd'hui, aussi un espoir ou une volonté de dédramatiser le visage? On est bien loin de l'analyse qu'on propose Lévinas justement comme étant cette injonction à ne pas tuer, de l'immensité métaphysique qui est véhiculée dans les autoportraits de Rembrandt. Finalement, aujourd'hui, un visage, c'est un visage, le lendemain, il peut être autrement. On peut mettre des filtres dessus, on en fait ce qu'on veut, on peut se montrer laid, ridicule, sublimé, mais finalement, est-ce que c'est pas devenu aussi un objet un peu plus banal, un peu moins sacré? Oui, peut-être pour le meilleur. J'allais dire, et tant mieux, en fait. Tant mieux, parce parce que, encore une fois, en élevant la figure humaine au-dessus de tout, en la posant comme une transcendance absolue, eh bien, on se coupe des autres, on se coupe du monde, on ne pense qu'à soi et on se renferme, on ne voit plus le reste. Mmh. Donc, peut-être que de considérer que le visage est une chose parmi les autres, eh bien, ça nous permettrait de nous-mêmes essayer de voir le reste avec d'autres yeux, finalement. Pourquoi est-ce que le visage humain a toujours été ce point qui nous a permis, eh bien, de nous séparer de l'animal, finalement, de nous séparer, de mettre en place toutes les valeurs qui ont coordonné. C'est pour ça que la philosophie, je disais en entrée d'émission, la philosophie, c'est quoi? C'était ce moment où on a toujours voulu catégoriser et montrer que l'humain est spécial, qu'il a le langage, qu'il a la raison. C'est moins vrai aujourd'hui. Émissions. Tout à fait. C'est moins vrai aujourd'hui. Et c'est dans ce mouvement-là, en fait, qu'il faut qu'on aille voir, en fait, ce qui peut se dessiner. Oui. Et qu'aujourd'hui, le visage devienne une publicité. C'est-à-dire, évidemment, il va y avoir ce travail où on a cette injonction. Donc, on peut revenir sur la question de la servitude volontaire. Cette injonction à paraître, à devenir toujours plus performant, à renouveler son visage, à le rendre attractif pour avoir des likes, des buzz, etc. La publicité, c'est aussi le fait de se rendre public. Et c'est dans ça où j'essaie de rebondir avec la question du politique. En quoi, finalement, la publicité peut être une forme, eh bien, de politique qu'il faudrait revisiter à la lumière, eh bien, je lisais chez Emanuele Coccia que quand on fait de la publicité... Donc, philosophe italien contemporain. Voilà. On ne parle pas d'une voiture ou d'une robe. On parle de cette voiture, cette robe. Et c'est là où, finalement, si on rapporte ça à la question des individus, on peut essayer de se loger sur un rapport de singularité et non plus d'identité, c'est-à-dire non plus de quelque chose qui va venir nous cerner dans ce qu'on doit être, mais dans un rapport justement où ce sont des processus de subjectivité qui vont devoir émerger tout en luttant contre des rapports un peu plus de domination. Donc je pense qu'il y a toutes ces valeurs qui effectivement paraissent tout à fait grossières, vulgaires à nos contemporains, la publicité, les selfies, etc. Sauf que il faut essayer de voir, déjà depuis que le mot existe, le mot selfie, il a été intronisé en 2013, donc ça ne veut pas dire que les autoportraits en ligne n'existaient pas, mais en fait depuis 2013, il y a eu énormément de recherches et d'études qui se sont faites autour de cet objet-là, donc le visage en l'occurrence. Moi j'ai aucun complexe à l'appeler objet, au contraire. Visage-objet, vous voulez dire? Alors, quand je parle de visage objet, c'est encore autre chose, parce que, comme je le disais, comme on n'a pas accès à son propre visage, c'est comme si on était un sujet visage qui, par extériorisation de sa face sur un support, donnait lieu à ce qu'on appellerait un objet visage. Et donc, ce sujet visage fait l'expérience de son autre, mais qui en fait lui-même, à travers cet objet-là, qui, par rétroaction, nous renvoie finalement quelque chose qui va nous construire aussi. Donc, il y a un système de gants inversés, etc., ou par introjection, phénoménologie, etc., il y a quelque chose de spéculaire qui se déroule, qui se met en place. Le paradoxe étant que plus les visages prolifèrent sur les réseaux, plus ils sont brandis aussi dans une dimension politique, plus ils sont appelés à disparaître, et cette fois-ci pas derrière les masques pour se protéger du coronavirus, mais derrière des cagoules ou autre chose pour atteindre une forme d'anonymat. Thomas, 21 ans, cautionne la violence contre le capitalisme. Il est étudiant en sciences humaines, comme son frère Antoine, 18 ans. Ils ont toujours manifesté pacifiquement. Mais aujourd'hui, il ne croit plus au système politique et aux mobilisations traditionnelles. Je considère que voilà, faire ma manif en étant derrière ma camionnette avec ma merguez et mon verre de punch, alors que être là à crier des slogans, être derrière ces mecs tout en noir, en solidarité avec eux et à former un groupe où il n'y a pas de bannière, où du coup, le gouvernement, quand il voit encore des autonomes s'avancer avec qui, il va les négocier. Personne. Julien, étudiant de 20 ans, a participé à ces affrontements très violents. Il a un équipement spécial manif. Un t-shirt noir pour se masquer le visage, ce qu'il y a de plus classique, plus simplement reconnaissable. Un masque de peinture pour les gaz lacrymogènes. Un cahouet noir, encore une fois pour s'anonymiser, et anonymiser la foule. Et des lunettes de piscine pour les gaz lacrymogènes. C'était une archive d'envoyés spéciales diffusée le 13 avril 2017 sur France 2. Donc, d'un côté, Marion Gilliot, la surenchère des visages. De l'autre, ce que vous appelez joliment l'éthique du camouflage. C'est-à-dire le fait de appeler à la disparition du visage comme condition d'action politique, comme dans le cas des Black Blocs, puisque c'était un extrait qui faisait référence. Ouais, alors il y a plusieurs moments de réflexion dans ce que j'ai appelé l'éthique du camouflage, voire même l'éthique du caméléon. En fait, effectivement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'anonymisation et de postures d'anonymat qui se mettent en place aujourd'hui. Donc il y a les Black Blocs, mais il y a aussi Anonymous, il y a le Comité Invisible, les Pussy Riot, etc., etc. Pour différentes raisons. Déjà, pour peut-être échapper à cette oppression de la surveillance par des caméras de reconnaissance faciale, échapper aussi à tout ce qui est politique identitaire, puisque comme on l'a dit vite fait, mais malgré tout, la photographie a largement participé à instruire des discours juridiques, scientifiques, etc., pour catégoriser les individus, la figure du criminel, la figure de la femme comme celle de l'hystérique pour aller vite, la figure du bourgeois, etc. Donc tout le monde est rentré un peu dans une case comme ça, identitaire. Et donc cette volonté de s'anonymiser, ça serait peut-être d'aller à contre rapport, oui, d'offensive à ce pouvoir de voir, en fait. Mais moi, là où j'essaie de faire glisser le terrain, c'est de dire que certes, ça peut être une sorte d'arme. D'ailleurs, c'est un peu ce que je lance rapidement dans le texte que j'ai écrit pour AOC autour du coronavirus et de ses masques. C'est-à-dire que finalement, on devient tous anonymes et donc du coup, on s'extrait tous de ces politiques identitaires. Mais là où je parle d'éthique du caméléon, c'est de dire que, eh bien, on efface cette espèce de moi qui a été construit, comme on l'a dit, au cours des siècles. On efface cette catégorie de l'ego pour essayer, encore une fois, de se reconnecter avec peut-être les flux du monde. Et le selfie, si on essaie de le penser d'une autre manière, c'est un visage qui se met en ligne en temps réel, qui participe donc au monde en créant du quotidien, en créant en fait la trame du réel, la trame de ce qui se joue aujourd'hui. Et donc c'est là où finalement on se rend compte qu'il y a quelque chose dont on ne comprend pas encore exactement quoi faire, comment, mais qui peut être l'indice d'une nouvelle, moi je dirais carrément, d'une nouvelle façon ontologique de penser le vivant, les êtres, c'est-à-dire non plus sur cette façon une et figée, encore une fois, je reviens, de considérer l'humain, mais comme quelque chose qui peut coller au monde, non plus mettre son image sur le monde, mais de faire venir le monde sur soi. Et donc l'anonymat, ça peut être aussi la condition d'un anonymat élargi, où toutes ces figures des anonymes qui transitent par les selfies, participent à quelque chose de beaucoup plus grand. Vous voulez dire qu'un selfie peut aussi être la condition de l'anonymat? Qu'un visage peut être parfaitement anonyme. C'est là où ça devient rigolo, mais je pense qu'effectivement, les selfies, ce sont des anonymes à la base. Les visages, on l'a dit, c'est réservé à l'élite, c'est réservé aux stars, c'est réservé à des gens célèbres. Là, grâce aux selfies, aux applications, etc., eh bien, c'est cette foule des anonymes qui ont toujours été invisibles, qui s'autogèrent de façon très maladroite souvent, qui passent par la publicité, mais qui peut-être se donnent à voir aussi. Voici un texte de Philippe Delerme qui décrit le selfie dans son Extase du selfie et autres gestes qui nous disent, et je me demande si ce texte-là s'inscrit pas dans l'analyse que vous proposez, Marion Zilliot, du processus de production de soi dans et par la représentation de son visage. Il y a les manches télescopiques qui s'emparent de l'appareil, permettent presque tous les angles, les photos de couple ou de groupe devant n'importe quel décor. Ça, c'est l'artifice avéré. Le tourisme naïf et assumé devant le Mont-Saint-Michel ou au creux des gondoles. Il y a, de plus en plus fréquente, la main qui s'éloigne pour ne prendre que soi. Un soi avantageux au bout de la tension du bras. Une exaltation de son propre visage. Avec un peu d'entraînement, le sourire éblouissant, la pose énigmatique ou sensuelle peuvent ne requérir qu'une fraction de seconde. Avant, après, vient comme un étonnement, peut-être une inquiétude, si vite dissipée, si vite recréée. Est-il si nécessaire de se trouver beau? Dans certains cas, cela paraît si évident, dans d'autres, presque une gageure. Mais le visage ingrat ne se refuse pas à l'angélisme extatique. Les psychologues se régalent. Il y a tout leur arsenal, le ça, le je, le moi, dans ce théâtre du reflet. Mais quelle part de moi dans tout ce jeu? Est-ce qu'on s'invente un peu à s'éloigner de soi, à étendre son bras? Est-ce qu'on s'approche à s'écarter? Est-ce qu'on existe? France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Allons encore plus loin, Marion Zilio, puisque vous y allez hein, dans votre livre. Voilà, ce texte laisse penser que le selfie permet aux individus de devenir eux-mêmes des œuvres, auteurs et curateurs de leur propre visage. Mm-hmm. Et c'est certainement vrai. Le pas supplémentaire que vous faites, c'est d'essayer d'inscrire ce rapport au visage dans une forme d'économie beaucoup plus large que le rapport à soi, beaucoup plus large que la question psychologique, que pointe très bien d'ailleurs Philippe Delerme. Enfin, les limites de cette approche sont pointées par lui, même d'une approche philosophique beaucoup plus large au sens quasiment anthropologique. Vous citez l'anthropologue Eduardo Viveiros de Castro, qui est venu nous rendre visite d'ailleurs à ce micro il n'y a pas si longtemps, qui lui se revendique un rapport au monde qu'il appelle le perspectivisme et qui permet de considérer le visage comme étant lui-même finalement une forme d'objet technique qui induit un autre rapport au monde. Et j'aimerais que vous nous en disiez plus sur cette perspective-là. Oui, bah peut-être que dans cette espèce de schisme entre sujet-visage et objet-visage, on pourrait considérer qu'il y a un rapport d'amour qui se met en place. Je parlais à un moment de co-individuation. Mmh. Et alors du coup, il faudrait peut-être inverser la perspective et se dire que cet objet-visage, ce support technique peut être lui-même l'amorce d'un jeu, c'est-à-dire qu'il agit sur nous, il agit sur nos comportements, sur la façon dont on se construit en fait, dont on se pense, etc. Et donc il y a une forme où finalement la technique peut-être l'occasion de penser comme, oui, effectivement, un perspectivisme. Alors, c'est une idée qui doit être encore développée, poussée, et j'essaie de la penser avec cette éthique du caméléon. Mais je pense que si on glisse un petit peu vers là, effectivement, on ouvre la question du visage, du jeu, de l'identité à d'autres disciplines et un rapport qui est beaucoup plus écologique, où il y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre. Et cette idée d'humanité endossée que stipule, en fait, le perspectivisme pourrait être celle de cet objet technique qui nous renvoie notre visage. Comment vous définissez le perspectivisme ? Le perspectivisme, c'est l'idée d'endosser un jeu, c'est-à-dire d'adopter un point de vue sur le monde. Qui s'assume comme point de vue ? Voilà. Ne prétend pas être le centre ou l'unique point de vue sur les choses. Oui, et par exemple, Eduardo Viveiros de Castro dit le jaguar peut se considérer comme humain, en fait, parce qu'il a un point de vue sur le monde et il y participe. Et peut-être, nous, on doit aussi, faut quand même se dire que le visage et les autoportraits sont aussi apparus au Quattrocento, au moment de l'humanisme, au moment de cette grande idéologie occidentale où on a voulu, encore une fois, élever la figure de l'homme par-dessus tout. Mais c'est aussi le moment où on invente la perspective, qui est aussi un appareillage finalement, une façon de percevoir, mais où on perçoit à travers un sujet unique, où on devient le sujet d'un spectacle en fait du monde. Peut-être que là, ce qui est proposé, c'est de voir dans quelle mesure ce point de vue peut se retourner sur nous et du coup on adopterait le point de vue de l'altérité du monde même. On pourrait nous-mêmes se mettre à la place du monde, on pourrait, garderait l'homme. On pourrait non pas se mettre à la place du monde parce que ça paraît un petit peu... Fou de le dire comme ça, mais effectivement, se dépendre de son jeu, vagabonder dans l'anonymat pour ensuite essayer de toucher quelque chose qui relève de différents points de vue et éventuellement de considérer que le monde a aussi un point de vue sur les individus qui le peuplent et qui l'habitent et qu'on fait tous partie de quelque chose d'une écologie finalement. Mais un obstacle à cela que vous pointez dans votre livre et que vous abordez même frontalement, c'est la mauvaise réputation dont jouit encore la technique aujourd'hui, c'est-à-dire que le mot même de technique s'oppose absolument à la nature. Cette espèce de honte prométhéenne. Oui, c'est ça, et c'est forcément quelque chose qui est nuisible, qui dénature la spontanéité du rapport à soi, et sans doute le rapport au visage est-il aussi entaché de cela, puisqu'aujourd'hui, depuis toujours, vous l'avez bien dit, on ne voit son reflet qu'à travers une médiation qui est souvent technique, que ce soit un appareil photo, même un miroir ou un téléphone. Et voilà, est-ce que c'est peut-être un des obstacles à dépasser pour parvenir à ce que vous appelez de vos voeux, finalement? On reste dans un face-à-face homme-technique, alors que rien n'est moins vrai aujourd'hui. Mais pas dans un face-à-face homme-technique. La technique, c'est encore une fois cette médiation qui est une sorte d'interface entre soi et le reste, le monde, les autres, etc. Oui, effectivement, la technique a une mauvaise réputation et a raison, parce que on voit bien que malgré tout, elle induit des processus qui sont aliénants. Mais c'est pas la faute de la technique, c'est la faute des usages qu'on en fait. Et encore une fois, il faut essayer de percevoir la technique comme quelque chose qui peut être poison et remède. Mais le problème, c'est que dans les discours ambiants, on la voit toujours comme le poison, comme quelque chose d'aliénant. Ouais. Et donc, on n'a pas la possibilité possibilité de voir en quoi elle peut au contraire nous aider quelques-uns, hein, c'est de le voir. Bon, Simondon est très doué pour ça, mais quand Foucault parle des techniques de soi, il montre bien comment des techniques répétées, ritualisées vont être créatrices bien de techniques du corps, mais de subjectivité aussi. Et c'est-à-dire que imaginons un adolescent qui prend régulièrement des selfies, il essaie aussi de se réapproprier une image qui lui échappe forcément, une image qui peut être récupérée par tout un tas de dispositifs médiatiques en l'occurrence et qui imprime nos dictates, mais qui peut être aussi l'occasion, en se voyant, de se construire. C'est ce qu'ont notamment fait de nombreux artistes au début du XXe siècle, c'est-à-dire à partir de ce moment où, on rentre dans un rapport où toute médiation, enfin tout rapport avec les autres passe par le prisme de la technique. Passe par le prisme de la photographie, du cinéma, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, comme je le disais, il y avait cette espèce de tournant machinique de la sensibilité qui a appareillé notre sensibilité. Et donc, les artistes sont venus expérimenter quelles étaient les mutations du regard, les mutations de nos façons de sentir en fait le monde, etc. Et donc, ils se sont réappropriés ces techniques pour essayer de s'extraire d'un visage qu'on leur avait imposé. Je pense par exemple à Claude Cahun, qui est une artiste qui, dès 1930, en fait, essaie de s'inventer un visage avec tout un tas de poses, de mise en scène. Elle utilise énormément le masque également. Et donc, en fait, elle essaie d'atteindre un espèce de troisième genre, mi-homme, mi-femme, un peu androgyne, mais parfois elle flirte avec des références un peu surréalistes. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est s'inventer son propre visage. Donc, on voit, en fait, comment la technique peut être aussi l'occasion de se réapproprier quelque chose qui nous échappe. Je voudrais qu'on écoute un dernier texte ensemble, Marion Zilio. On est passé vite sur ce point-là. Le visage-objet, vous en avez un peu parlé. Voici la description que Roland Barthes propose du visage de Garbeau. Garbeau appartient encore à ce moment du cinéma où la saisie du visage humain jetait les foules dans le plus grand trouble, où l'on se perdait littéralement dans une image humaine comme dans un filtre, où le visage constituait une sorte d'état absolu de la chair que l'on ne pouvait ni atteindre ni abandonner. C'est sans doute un admirable visage-objet. Dans La Reine Christine, le phare a l'épaisseur neigeuse d'un masque. Ce n'est pas un visage peint, c'est un visage plâtré, défendu par la surface de la couleur et non par ses lignes. Dans toute cette neige à la fois fragile et compacte, les yeux seuls, noirs comme une pulpe bizarre, mais nullement expressifs, sont deux meurtrissures un peu tremblantes. Même dans l'extrême beauté, ce visage non pas dessiné, mais plutôt sculpté dans le lisse et le friable, c'est-à-dire à la fois parfait et éphémère, rejoint la face farineuse de Charlot, ses yeux de végétal sombre, son visage de totem. Or, la tentation du masque total, le masque antique par exemple, implique peut-être moins le thème du secret, ce qui est le cas des demi-masques italiens, que celui d'un archétype du visage humain. Garbeau donnait à voir une sorte d'idée platonicienne de la créature. Et c'est ce qui explique que son visage soit presque désexué, sans être pour autant douteux. Et c'est la comédienne Hélène Losseur qui prête sa voix à ce texte magnifique de Roland Barthes, du masque pour se protéger contre le coronavirus, parce qu'elle a commencé ainsi l'émission Marion Zilio, au masque, alors, que convoque Barthes pour décrire le visage de Garbeau. En fait, ce qu'il dit dans ce texte, c'est que son visage est tellement vu et tellement connu qu'il finit par représenter autre chose que la personne qu'est Greta Garbeau. Il y a une forme d'hypervisibilité qui la rend invisible. Oui, et moi ce que je comprends aussi de ce texte, c'est qu'il explique comment finalement le visage de Greta Garbeau a été complètement modélisé, sculpté aussi par les techniques, parce que ce sont un maquillage d'abord qui souligne ses sourcils, qui met en valeur son nez, ses pommettes, etc., ou ses lèvres très bien dessinées, mais ce sont aussi des lumières qui vont accentuer ses angles, etc. Et en fait, il y a énormément d'écrits qui expliquent comment le cinéma en a fait une icône, mais grâce à tous ces procédés techniques. Et c'est là où on voit que la technique joue un rôle beaucoup plus intrusif finalement dans la manière dont on peut se représenter et se percevoir par rapport à ses spécificités techniques. Quand la photographie argentique apparaît au 19e siècle, elle a des propriétés très tranchées, il faut attendre, c'est de la duplication, mais c'est aussi des images qui se répètent. Le numérique, lui, a quelque chose de beaucoup plus fluide, il passe d'un support à l'autre, etc. Et en fait, on voit que la spécificité technique peut induire des mutations dans la façon dont l'identité se perçoit via, justement... la substance de la technique, en fait. Mais est-ce qu'il y aurait l'équivalent du visage de Greta Garbo aujourd'hui ? On n'est plus dans une telle sacralisation, justement, du portrait-visage. Non, comme vous l'avez dit... Elle serait sur Instagram, on pourrait la regarder tous les jours, et le visage ne nous... On a quand même Kim Kardashian qui est un peu l'équivalent, qui sculpte son visage, qui utilise énormément de cosmétiques et qui lisse tout le temps sa peau. Mais dans le visage, vous êtes beaucoup plus accessible, finalement. Est-ce qu'on peut le regarder, justement, tous les jours sous un angle différent, si elle-même se montre ainsi, alors que... Après. Du temps de Greta Garbo, on avait un portrait. Oui, et puis elle jouait aussi, Greta Garbo, avec cette idée de mystère, de secret. Aujourd'hui, on n'est plus dans ces valeurs-là. En fait, on est dans un rapport de publicité, de consommation d'images. Et c'est ça qui fait que pour négocier avec les selfies, il faut faire attention à tout cette écologie médiatique, en fait. Merci beaucoup Marion Zélio. Merci à vous. D'être venue nous parler de votre livre ce matin. Il s'appelle Face World. Donc le sous-titre, c'est Le visage au 21e siècle. Mais vous l'aurez compris, vous remontez aussi l'histoire du temps, l'histoire de l'art surtout, pour interroger ces représentations du visage. On le trouve aux presses universitaires de France. On se quitte comme tous les jours avec une chanson. Encore un choix de Nicolas Berger, Greg Fritt, qui chante Selfie. Qui sont donc tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Mais qui sont donc tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Selfie. Autoportrait au narcissisme décomplexé. L'être humain n'aime que lui. Même ses dieux sont vexés. Palmipèdes et gallinacés sont de plus en plus cool. Toutes les dindes ont des faces de canard ou des bouches en cul de poule. Ainsi la sphère privée s'étale sur les réseaux sociaux. Un selfie, un bon filtre, inutile de mettre de l'audio. Plus de fautes d'orthographe que de photos de chatons. Que le français repose en paix avec le photomaton. Qui sont donc tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Mais qui sont donc tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Y'a très peu de demandes, mais des kilos d'or. Quel genre de richesse intérieure ces gens planquent-ils au coffre? Ont-ils des esprits étriqués? Ont-ils des big love? Je reste tranquille, sauf tout ça me rend philosophe. Tu ne prends que des photos de ta tête, seul dans ta chambre ou bien sur tes toilettes. Très peu d'ennemis, très peu d'amis. Donc quand tu crois qu'on refait, c'est la fête, c'est la fête. T'as disséqué toutes les tendances d'Amérique, t'as le dernier article à la page. T'aurais tout fait pour l'avoir, t'aurais pu traverser l'Atlantique à la nage. Qui sont donc tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps? C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Tous ces gens qui se prennent en photo tout le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui tout s'échange. Le selfie c'est surtout étrange. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Vous vous interrogez sur vos goûts artistiques. Et oui, car j'ai regardé en deux jours, avec passion, enthousiasme et même joie, une série que les critiques s'accordent à trouver nulle, laide, formatée sans surprise, mal écrite et j'en passe. De là, je me suis demandé comment est-il possible de trouver bon ce qui est mauvais. Tu es un mutant, le fruit de la magie. Tu parcours le continent. On veut personne de ton engeance ici. Tu traques les monstres pour de l'argent. Je croyais que tu aurais des crocs ou des cornes, que sais-je. Je les ai limés avec soin. La série The Witcher, traduite littéralement en français par « Le sorceleur », est, comme je l'ai lu et entendu un peu partout, dans la bouche de mes amis ou dans les médias, une série ratée. Eh bien, c'est vrai, je suis d'accord, rien ne tient, le scénario est simpliste, la mise en scène est à gros traits, les effets spéciaux sont repoussants à souhait et le jeu des acteurs est lourdingue. Mais voilà, j'ai été scotchée. Pire, je savais donc qu'elle était ratée, tout en étant scotchée à l'écran, d'autant plus même. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible d'être rivé à une chose que l'on sait mauvaise? La question est précise, je ne demande pas comment est-il possible de trouver bon ce qui est mauvais, Car alors là, on peut tout simplement, pour y répondre, invoquer son ignorance, le déterminisme social qui dicte, comme le disait Bourdieu, nos goûts et dégoûts, des erreurs de parcours ou des fautes de goût, justement. Non, je demande, comment est-il possible de trouver bon une chose que l'on sait être mauvaise? La question est non seulement précise, mais elle est aussi quotidienne. Car il est courant d'aimer ce qui n'est pas bon pour soi et de le savoir. Les fast-foods, les personnes toxiques, l'alcool, regarder des écrans pendant des heures. Sans cocher toutes les cases, je dois dire que cela occupe presque toutes mes journées et sûrement les vôtres. Et c'est un vrai paradoxe que les philosophes ont bien vu. Pourquoi l'être humain, censé persévérer dans son être, censé se conserver lui-même dans l'amour propre, persiste pourtant et en connaissance de cause à cultiver ce qui le dégrade? La télé-réalité, j'abomine ça. Depuis le début, le mélange de voyeurisme, d'exhibitionnisme que ça provoque chez les gens, la fausse notoriété qu'il ne faut pas confondre avec la popularité, ce petit instant dans la lumière qu'après ils payent très très cher quand ils reviennent à la normalité, il y a quelque chose que je trouve très impudique là-dedans. Et pour moi, c'est de la mauvaise télévision. C'est-à-dire c'est une télévision qui divertit au sens littéral du terme, c'est-à-dire que ça fait penser à autre chose, mais qui n'apprend rien. La télé-réalité est pour beaucoup le symbole du pire en termes de culture ou de divertissement. Pourtant, il faut le reconnaître, son succès se décline depuis des années sur toutes les chaînes, sous toutes ses formes. C'est un phénomène connu, le pire est grand public, il se vend, il plaît. On peut rabattre ce paradoxe sur la bêtise des foules, leur ignorance crasse ou leur faiblesse face à la puissance du marketing, mais c'est un peu trop facile. C'est comme miser sur le déterminisme social ou le mauvais goût ponctuel et singulier. C'est trop simple. Je crois au contraire que reconnaître une chose comme mauvaise pour soi, non seulement n'empêche pas de la cultiver, mais pousse peut-être même à la cultiver. Oui, le paradoxe est encore plus fort que ça. Plus fort qu'un écart surprenant et inexplicable entre le fait de savoir que c'est mauvais et le fait pourtant d'y goûter. Il y a, et c'est le problème, quelque chose de bon, de fondamentalement bon dans le mauvais. On se sent bien à faire et à cultiver quelque chose qui n'en fait pas, qui ne fait pas du bien. Comment comprendre ce phénomène? Cet amour, ce plaisir, cette attraction, cette culture du pire, du mauvais, du mal? On pourrait y voir une forme de rébellion contre les formes admises de bon goût, une pulsion morbide à l'autodestruction, une accoutumance à toute cette culture bas de gamme, mais est-ce vraiment cela? Il y a en ce moment toute une mode de la honte pour la musique et les vêtements. On exhibe ces playlists cachées, toutes ces chansons honteuses qu'on aime en secret. On s'habille mal, en témoigne cette mode des chaussettes dans les claquettes. Bizarrement, le mauvais goût est devenu une forme de bon goût. On pourrait même dire une forme de snobisme. Il est de bon ton de dire qu'on regarde The Voice tout en lisant Deleuze, qu'on écoute Mozart en jouant à Candy Crush sur son téléphone. Le problème du bon dans le mauvais trouverait ainsi sa résolution dans une posture, une tendance. Mais moi, je postule une autre résolution, l'idée que jouir du mauvais est une grande libération. Quand je regarde The Witcher, je n'ai pas la pression de devoir m'élever. Je n'ai pas de présupposé d'élévation morale ou esthétique. C'est ça la grande libération du mauvais, du bas de gamme. C'est qu'on ne se sent pas obligé d'en tirer une amélioration de soi, de devenir meilleur. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et puisque vous semblez affectionner Jean-Michel Jarre, bon, on le garde jusqu'au bout. L'équipe des Chemins de la Philosophie ne valide pas ce choix, mais elle est composée de Manon de la Selle qui a préparé cette émission, Isis Jourda, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Le Covovillier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, à la prise de son aujourd'hui Ludovic Auger, la lecture des textes Hélène Losseur. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur le visage. On sera en compagnie de Jean-Marc Ovas pour évoquer Victor Hugo, L'Homme qui rit, Quasimodo, Notre-Dame de Paris bien sûr, et tant d'autres gueules cassées. Ce sera donc le sujet de l'émission de demain. D'ici là, pour réécouter celle du jour en compagnie de Marion Zilio, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philo. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où nous attendons vos remarques et vos commentaires et vos selfies. Enfin, pas forcément. À demain, 10h, nous on sera là. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture avec Jean-Michel Jarre.